Caché dans le refus, prends la tête entre nous devant les Yankees, y a un peu tard. Denis Saint, mais dans ma tête c'est Beyrouth. Si t'as pris la même route, tu vas peut-être faire un peu de star. Gêné quand on parle de rap, j'écris mes textes dans l'ouvre spoto, ma vie c'est pas le showbiz. J'suis pas dans la mode, j'suis pas dans leur monde. J'arrive au sud avec du soir sur mon pote jogging. Range ton arme, tu fais baliser son père. Personne va tirer comme quand j'allume un sopère. J'ramasse une grosse guerre, j'la balade sur Robert. J'transporte 10 kilos de cheat dans la caisse à son père. Short du Hainou, j'croise ta remède, j'suis gêné. Il t'a rasbat de la cesse, tu le croises au gémère. Des frères en jet là-bas sur lui sans GP. De la mort dans les scellés, des petits frères au CD. Tu rumines, t'encules une bouteille de Jack. Solo ce soir, ils vont tous payer sur le pont. C'est pour les frères qui nous donnent de la force. Comme le Trax de Perry et Neige et Borgemont. Dehors y'a des los qui m'esquivent, j'suis au studio, ça me parle carrière, j'me demande ce que j'fous là. Des fois la haine se laisse peu de choix, 15 ans ça bibi un peu de choix. Tacos les meufs qui passent devant la cité, pas la veste sous poli à 10h du matin. Mon ref m'appelle mort de rire du carplam, dis si tu croises les bas que dis-leur tout va bien. Dis-leur tout va bien. Dis-leur tout va bien. Dis-leur tout va bien. Je veux faire des loves graves, les pisser sur un sol crade, ils vont te faire tousser le cul. On est lent du peur à que les autres grades, je m'inspire de Lovecraft, au téléphone c'est que tu luttes. Oui mon pote on sait que tu luttes, j'espère que t'as pas fait tout ça pour pousser des cales aseptiques. Comme les surrogatoires en bâtiment, maman, le sous-marin civil les camoufle comme un déceptico. Hors de question que je me laisse faire, traverserai le manoir à la recherche de Wesker. J'suis pas de la catégorie de ceux qui creusent dans les westerns. Répliquant j'ai mis mon costume du main dans les vestiaires. Les dealers et les homophobes ont peur de moi. J'suis fatigué patron, j'me mets la peine de mort. En buvant la taille comme Barbosa du Père le Noir. Après il pourra plus prendre le guidon si Blade me mord. Je ne parle pas la langue de bois, j'ai pris des coups sans dire un mot. Appelle-moi mon coup de jean, via les galères que j'ai vécu, j'ai vu beaucoup de signes. 5 fois par jour, faut que j'fasse un gros coup de fil. Freddy me fait de l'inception, je me réveille en replay le jour de la marmotte dans le Nostromo. Je fais ce qu'il a en limbo slow-mo. Mourir jeune, ça nous ferait une grosse promo. Je vois leur complexe au genre qui se donne. Je dors que d'un œil Snake Plissken. On est Vincent Vega, j'ai Louinfield. On est Palpatine et Vador, on est Merle et Dal Dixon. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur que tout va bien.